Il gagna la salle de bain et commença à se raser. Au bout de quelques minutes, il entendit des bruits de casseroles en provenance de la cuisine. Évidemment, lui dit-il pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, je reviendrai ici de nuit plusieurs fois, mais j'aurai l'autre gars avec moi. On parlera surtout affaires et il faudra que je le ramène tout de suite à Brazel. Il n'aura pas de voiture, demanda Anita. Trouve quelqu'un qui ait une voiture. Elle nous gênerait. Nous aurons de toute façon l'autre voiture, celle avec laquelle on doit filer, et il faudra qu'elle reste dans le garage ici. Non, même s'il a une bagnole, je lui dirais de la laisser à New York. Deux voitures venant ici de nuit, ça double les chances de se faire marquer. Yeah. Alors, tu ne viendras jamais ici en douce tout seul ? Je n'ai pas dit ça, répondit Earl, en levant la tête avec un large sourire. Je regrette seulement, poursuivit-il d'un ton sérieux, d'être obligé de prendre la Mercury, mais j'en ai besoin pour le boulot. Thank you. Je me débrouillerai que le quart, assure Anita. Ne t'inquiète pas pour moi. On a eu de la chance pour mon horaire, pas vrai? De midi à 5 heures, ça ne pouvait pas mieux tomber. Une veine qui t'est proposée ces heures-là. Si tu avais été obligé de demander un horaire bien précis, ils auraient pu trouver ça bizarre par la suite. Listen to your job at the restaurant. Too many screens on the right. Quitta la ville à 6h10. Il n'avait pas franchi plus de 5 ou 600 mètres lorsqu'il freina brusquement et dérapa sur le gravier. We'll be right back. farmer, he took the boll weevil, put him on the ice. The boll weevil says to the farmer, you treat me mighty nice, and I will have a home, I will have a home. The old man said to the old lady, what do you think of that? These boll weevils got into my brand new Stetson hat, and it's full of holes. Yeah, it's full of holes. All right, yeah, it's full of holes. Well, it's full of holes. Yeah, it's full of holes. Well, it's full of holes. All right, now. All right, now, this next verse is about myself. And when I'm done, I hope you sing along with me on He's Looking for a Home. I said, if anybody asks you people who sang you this song, you're telling me it's Jackie White. He's done been here and gone. He is looking for a home. He is looking for a home. Now stop for a minute, Meg. He is looking for a home. Mr. Peel, for having us here. Hey, come on, are you kidding? It's been fantastic, an unforgettable night. We've got time for you to do some more if you've got any more tunes that you'd like to do. I don't know what we could play. Well, have I put you on the spot, or would you like to do a couple more? No, okay. Le terrain dégagé sur lequel était bâtie la villa s'arrêtait là, ainsi que les fils de fer barbelés qui l'entouraient. L'entretien du grillage avait été négligé et par endroits la clôture n'existait plus, puisqu'il n'y avait plus de bétail à parquer. À l'autre extrémité s'étendait une pelouse, mais de ce côté-ci, ce n'était qu'une prairie séparée par la barrière démantelée de la forêt qui se dressait, exubérante et dense à cet endroit-là. En lisière des arbres, juste après la barrière, se trouvait une cabane en bois brut, et c'était cette construction qui avait attiré son regard. Wo man übers Wetter spricht.

Il s'était arrêté à hauteur de la cabane et lorsqu'il eut serré le frein à main et mis pied à terre, il se trouva au bas d'un petit plan incliné pavé de pierres usées. Il remarqua que la cabane était très vétuste, mais construite avec soin, un peu plus vaste qu'un garage à une place, bien qu'elle ait probablement été édifiée à une époque où il n'y avait pas de voiture, du moins dans cette partie du monde. À la jointure des deux portes, il y avait un énorme moraillon en fer, maintenu seulement par une grosse cheville de bois. Il jeta un coup d'œil sur la route dans les deux sens, puis escalada les marches et enleva la cheville. Le battant de droite s'ouvrit en grinçant lorsqu'il rabattit le moraillon. Il perçut des frôlements et des bruissements sur le sol, et au-dessus de sa tête, un oiseau sortit dans un battement d'ailes affolé. Un simple regard à l'intérieur lui apprit que la cabane était vide. Il ne releva aucune trace de roue parmi les feuilles mortes éparpillées sur le sol en terre battue. Il ressortit, vérifia que l'autre porte s'ouvrait facilement, puis referma les deux battants et remit en place la cheville. Thank you.

Il se hâta ensuite de remonter dans la Mercury. La route étant bordée d'arbres des deux côtés, deux voitures avaient tout juste la place de se croiser. Une auto sortant de la cabane pour se mettre en travers de l'étroit chemin de gravier lui bloquerait le passage. La cabane constitue un autre bon présage, pas véritablement un présage puisqu'il n'était pas superstitieux. Un autre coup de chance, tout comme le fait qu'Anita s'était vu proposer des heures de travail presque parfaites sans avoir à les demander. La cabane était l'une de ses autres idées. Durant tout le trajet jusqu'à la ville, il échafauda des plans en vue de l'utiliser. We'll be right back. then it treads slowly amidst vegetables, fruits, and water. Fears are ripped, slipping back, and smashed down the town. Le bureau de Tom Pousse, le baron, dans la 5e avenue à Brooklyn, ne donnait aux passants qu'un modeste aperçu de ses activités. Bien que les inscriptions en anglais et en espagnol, en grosses lettres noires sur fond jaune, qui couvraient la devanture de l'ancien magasin, annoncent que I, le baron, était un avoué et un notaire qui monnayait les chèques, remplissait les déclarations d'impôts, réglait les factures, vendait des traveler chèques et fournissait des photos pour passeport, tout en dirigeant, par surcroît, une agence de voyage. Earl estimait que 5% des clients de Tom Pousse, soit 95% de ses affaires, ne lui demandaient jamais ce genre de service. Regarde-toi, ha ha ha, regarde-toi, ha ha ha. tu roules tes épaules, tu te crois super troll. Regarde-toi, ha, ha, ha, regarde-toi. Oh, Earl franchit la porte d'entrée du bureau. À sa gauche, une fenêtre s'ouvrait dans un mur grillé nu, avec une inscription en anglais et en espagnol, « Box en acier blindé et vert à l'épreuve des balles. Parlez ici. » Et une flèche indiquant une petite grille circulaire encastrée dans le mur à côté de la fenêtre. À travers la vitre teintée, une blonde explosive d'une cinquantaine d'années le dévisageait. À sa droite, une femme du même âge, avec des cheveux d'un roux flamboyant, était assise derrière un bureau. Elle le toisa d'un œil froid, comme si elle ne l'avait jamais vu, alors qu'il était venu maintes fois dans cette étude. Stop. « Je m'appelle Bolton, dit-il. Monsieur le baron est-il là ?» La femme prit un des téléphones et dit « Bolton » dans l'appareil. Elle raccrocha et commença à écrire sur un des formulaires qui encombrait le bureau. Sans lever la tête, elle tendit la main gauche. La porte dans le coin. Yeah. thing, just trying to live. Nah, say don't listen, and don't let them win. Rave on dead, rave on dead. They talk shit the way America lives. Rave on dead, rave on dead. Nah, say don't listen, and don't let them win. You look so cool in assassin's jeans. Going to the beach, you got the way you'll be. Wear a leather jacket if you wanna be. That's a shut it off, listen to see. Rave on dead, rave on dead. They talk shit the way America lives. Rave on dead, rave on dead. Locked it off the scene, but don't let them win! Don't you know they wanna tell you, just can I live? Locked it off the scene, but don't let them win! Bring on dead, bring on dead. They try to shape the way America lives. Bring on dead, bring on dead. Locked it off the scene, but don't let them win! Do you have brain behind dead? Brain behind dead, brain behind dead, brain behind dead! Earl franchit le portillon pratiqué dans la rambarde, qui séparait le bureau et le box de la caissière du reste de la pièce, et passa devant une rangée de tables où deux hommes et une femme parlaient avec des clients de Tom Pouce. D'autres, assis sur des chaises long du mur, attendaient. Parmi eux, des Espagnols, des Noirs, et tous avaient l'air pauvres et gênés. La pièce offrait un aspect misérable, sinistre. Le mobilier était vieux et délabré, les murs vert foncé décorés de calendriers jaunis et d'affiches. Une pancarte accrochée bien en vue invitait les clients à cracher par terre si ça pouvait les aider à se sentir ici comme chez eux. Pour tous et tous moi, unis comme les doigts de la main.